Ce livre audio a été réalisé à l'occasion de l'exposition « Édouard Hopper » qui s'est tenue aux Galeries Nationales du Grand Palais du 10 octobre 2012 au 28 janvier 2013. Des salariés de la Réunion des musées nationaux Grand Palais et Didier Ottinger, commissaire de l'exposition, ont accepté de prêter gracieusement leur voix. Caroline Cartier en a créé l'ambiance sonore.